bi aidi hide juude safaratin nulaabe malaika be tawata ko nulaabe be Allah halfini aynugol odo wahay makko aynugol odo alqur'ana makko safara ngandi safir ko ambassadeur safirun ko ambassadeur non ko safara juude ambassadeur be juude nulaabe de do malaika be tawata Allah hino nulibe hino halfini be te do golle.